Impression de mer par Paul Bourget. Aux ordres vagues d'indistincte rêverie, lorsqu'étendu sur le divan, on laisse les images aller et venir devant ce regard intérieur, si lucide et si effacé tour à tour, ce que je revois le plus souvent, ce ne sont pas les monuments des villes que j'ai traversées, et pourtant j'ai vécu à Florence et à Grenade, j'ai vu Athènes et j'ai vu Venise. Ce ne sont pas les horizons des montagnes, des lacs et des fleuves. J'ai tant aimé la Sierra Blanche sous un ciel de saphir, le raleté entre ses collines, la sombre masse de la forêt noire et les âpres landes d'Écosse, et la mollesse des lacs italiens, et la sobre, la fine clarté des vignes toscanes. Avec un effort, j'aperçois de nouveau les contours précis de ces tableaux variés, parmi lesquels s'est promenée ma curiosité d'artiste. Mais cet effort, je n'en ai pas besoin, lorsque je veux revoir des paysages de mer, n'eussent-ils été contemplés qu'en passant. Ils sont la patrie naturelle de ma fantaisie. C'est leur mouvant et vaste cadre qui s'évoque autour de mes souvenirs. Et voici que le temps passé se représente, et avec lui les vieux chagrins et les joies anciennes. Voiles d'oiseaux qui traversent l'abîme des années pour revenir m'entourer de leurs airs plaintifs, comme les goélands qui gémissaient dans les plis démesurés des falaises de Mor en Islande. Voici aujourd'hui combien de jours. Oh, ces goélands, de quelle clameur désespérée, de quel ululement continu, comme un innombrable appel d'enfants abandonnés. Ils remplissaient les porches d'ombre creusées dans ces gigantesques falaises que le flot de l'Atlantique vient battre infatigablement. C'est à l'ouest de l'île verte, où les fleuves jaillissent bruns et sinistres de profondeur, du sol où gît la tourbe, et à l'extrémité de ce comté de Clare, qui est, avec celui de Galway, la plus triste parmi tant de tristes provinces. Le car, la voiture nationale dont les bords adossés et transversaux sont juchés sur les deux énormes roues, y arrive à travers des lieux et des lieux d'une contrée de pierre. De la pierre grise à droite, à gauche, devant vous, derrière vous. On a beau la diviser en murs, la construire en maisons, la monceler en pyramides, la roche blanchâtre encombre tout l'horizon. Des moutons paissent l'herbe poussée entre deux blocs de pierre lavés par l'éternelle pluie qui, 12 mois sur 12, enveloppe l'île de ses rafales. Le voyageur se drape de son mieux dans le manteau et la couverture de caoutchouc. Le bidet, petit et preste, trotte dur, conduit par le cocher aux yeux clairs, aux cheveux roux, qui, de son accent guttural, raconte l'assassinat de son propriétaire tombé au coin de tel carrefour. Et c'est à la fin d'une journée semblable, le corps trempé de cette rude pluie, l'imagination assombrie par des anecdotes et cet horizon, que j'arrivais sur le haut de ces falaises, à un moment où le ciel venait de s'éclaircir. Au-dessous de moi, à une profondeur immense, la mer palpitait bleue et frangée d'écume. À ma gauche, par-dessus un cap revêtu d'herbes vertes, l'azur de la baie de Lisconnor s'apercevait toute pâle, et le long des blanches crevasses de l'énorme falaise, les goélands tournoyaient, aussi petits à cette distance que les oiseaux des arbres de nos jardins. Leurs plaintes montaient, montaient, mêlées à la rauque rumeur des lames. Elles montaient, féroces par instant, et par instant si tristes qu'elles devenaient douces. Et c'était comme si la nature, en proie à l'affreux travail de son immortel combat pour la vie, avait emprunté la voix de ces sauvages bêtes pour crier sa douleur vers le ciel clair d'un jour d'orage, à cette pointe extrême de l'île la plus malheureuse de la vieille Europe. Ah, ce gémissement des oiseaux farouches, qu'il m'a poursuivi deux fois depuis cette minute. On dirait que cette Irlande, si proche et si lointaine, est vraiment encore la terre des prodiges dont rêvaient les anciens. Et jamais été aussi voisin de la sensation, si rare aujourd'hui, ou la mer sur le bord du surnaturel, qu'à ma dernière traversée entre Holyhead et Lublin. Un brouillard de mer, tout blanc, et si épais que l'œil ne distinguait pas les objets d'un bord à l'autre du navire, s'était abattu autour de nous. Le paquebot avançait à peine dans cette buée, de crainte de rencontre, et de minute en minute, la machine jetait un sifflement d'alarme auquel d'autres sifflements d'autres bateaux invisibles et tout proches répondaient. Des coups de canon partaient par intervalles, et en me penchant sur le bastingage, j'apercevais l'eau de la mer, morne et livide, d'une nuance de gris vert, clapotait à peine contre la quille presque immobile, dont la dangereuse marche se faisait lente, jusqu'à ce que le bateau s'arrêta, Il n'y eut plus d'autre bruit dans le silence de l'hélice que ce sifflement de détresse. Ah, si j'avais en ce moment vu de mes propres yeux le vaisseau fantôme passer avec ses agrès noirs le long de notre navire, non, je ne fusse pas demeuré étonné. Mais ce que je voyais passer dans cette mort de toutes choses autour de moi, qui, couché sur le pont, rêvait dans cette buée, c'était toutes les mélancolies de la pensée, toutes les déceptions et tous les regrets. Équipage d'un embarquement pour la mort qui fera le pendant à cet embarquement pour Cythère, que peignit l'adorable bateau. Et le clapotis de l'eau morte m'arrivait comme un conseil d'abdication définitive, dans une plainte exhalée indéfiniment, vainement, comme cet appel du vaisseau immobile, parmi la buée blanche, plus impénétrable que l'avenir. Flot changeant de la vaste mer, flot mystérieux dont le vieux poète célébrait l'innombrable concert. Vous devez être, pour l'âme humaine, un symbole de joie profonde et d'apaisement, comme de mélancolie et de fatalité. Combien m'avez-vous donné d'émotions douces durant cet heureux voyage que je fis de la claire Marseille à la lumineuse Malaga, tout le long des côtes de cette Espagne, qui me demeure dans le souvenir comme une vision de lumière. Et je revois l'instant du départ, à la nuit tombée, l'eau ténébreuse et souple, les feux du port et ceux des étoiles piquant le sombre du ciel où s'entremêlaient, se heurtaient les noirs agrès. Un peu de musique arrivait à moi d'un bal ouvert sur le port. L'ancre dérapait, le bateau sifflait, et par la nuit tiède de printemps, nous voici en marche sur l'eau dormante. Au matin, nous étions en vue du golfe de Rosa, tout près de la côte, dont nous séparait une mer bleue à peine remuée, d'où sortaient des îles de rochers comme des aiguilles roses, puis une ligne de montagnes bleuâtres, et entre ces montagnes et le dôme bleu du ciel, l'éclatante neige des Pyrénées. Et ce fut ainsi des heures et des heures. La mer, toujours douce et claire, la côte découpée, basse, tour à tour, et s'apercevant montagneuse, avec des villes jetées comme des nids de pirates sur les hauteurs ou étendues comme des nids de pêcheurs sur la plaine paisible, et des fleurs à partir de balances qui paraient tout le pont du navire et des chansons de matelots sur des rythmes andalous. Homme libre, toujours tu chériras la mer. C'était Impression de mer, par Paul Bourget.